La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission de Philippe de Chartres. Vous entendrez aujourd'hui L'école des femmes, comédie de Molière, jouée par le Théâtre national populaire dans la distribution suivante. Chrysalde, Jean-Paul Moulineau, Arnolphe, Georges Wilson, Alain, Guy Saint-Jean, Georgette, Laurence Badi, Agnès, Christiane Desbois, Horace, Yves Gasque, le notaire, Georges Riquier, Oronte, Philippe Noiret, Henrik, Lucien Arnaud, régie, Georges Wilson. Arnolphe, qui par coquetterie se fait appeler Monsieur de la Souche, assure les femmes, les hommes et le mariage de solides théories, et son régal est de se gausser des maris trompés dont il tient à jour la liste complète. Aussi fort de l'expérience des autres, a-t-il décidé d'épouser, malgré ses 42 ans, une toute jeune fille. Mais une toute jeune fille qui, dès l'enfance, a été préparée par lui à devenir un modèle de fidélité. Agnès, en effet, n'est pas une créature à la mode qui lit les romans et rime les vers. Arnolphe, dès l'âge de 4 ans, l'a enlevée à sa famille et nourrie au champ comme une petite oie. À 16 ans, donc, son ignorance est sans lacune. Et, homme heureux, Arnolphe est sans souci. Le voici justement qui, après voyage, s'en revient au logis où il tient enfermé Agnès. Quand soudain, avec le plus grand plaisir, il aperçoit qui vient vers lui Horace, le fils d'un de ses plus chers amis. Horace, Arnolphe! Ah, joie extrême! Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Oh, comme les enfants croissent en peu d'années. J'admire de le voir au point où le voilà, après que je l'ai vu, pas plus grand que cela. Vous voyez. Mais de grâce, Oronte, votre père, mon bon et cher ami, que j'estime et révère, que fait-il? Que dit-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus est, écrit l'un à l'autre, me semble. Il est seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. Hein? Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue. Et la raison, encore, ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non. Vous êtes en point dit comme on le nomme. Henrik. Non. Mon père m'en parle et qu'il est revenu. Comme s'ils devaient m'être entièrement connus. Et m'écrit qu'en chemin, ensemble, ils se vont mettre pour un fait important. Que ne dit point sa lettre? J'aurai certainement grande joie à le voir. Et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Il faut pour des amis des lettres moins civiles. Et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prie le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles. Et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi. Et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Oh. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreuse en citoyens, superbe en bâtiments, et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise. Mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont dans ce pays de quoi se contenter, car les femmes y sont faites à coqueter. On trouve d'humeur douce, et la brune, et la blonde, et les maris aussi, les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince, et des tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Et peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une? Vous n'êtes-il point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus. Et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne vous rien cacher de la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux eu certaines aventures. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voici de nouveau quelques contes gaillards